Et voici maintenant une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou. Milon de Crotone prit la main dans l'arbre. L'athlète Milon de Crotone vivait au 6e siècle avant notre ère. Fils d'un dénommé Diotime, il avait épousé une fille du célèbre Pythagore qui s'appelait Mia. Mais c'est bien davantage par son palmarès sportif que par la réputation de son beau-père qu'il va entrer dans l'histoire par la grande porte. Milon de Crotone est le premier à recevoir un titre, on dirait aujourd'hui une médaille, olympique de lutte junior en l'an 540 avant Jésus-Christ. Jeux olympiques où il rafle d'ailleurs 6 médailles. Il participe également aux Jeux pythiques qui lui en décernent 7 de plus. Puis aux Jeux néméens où il augmente de 9 médailles sa collection déjà sans égale. Et enfin aux Jeux ismiques au cours desquels il bat son propre record, 10 nouvelles médailles. La carrière est impressionnante, l'athlète est accompli, à un point tel qu'on le fera entrer dans le quatuor canonique des champions avec Glaucos de Charistos, Théagène de Thasos et Polydamas de Skotoussa. On décrit la force et l'appétit de Milon de Crotone comme surhumaine, un équivalent de Hercule lui-même, et à force de se le faire dire, il finit sans doute par le croire, c'est d'ailleurs peut-être ce qui va un jour le mener à sa perte. Retiré du monde du sport à cause de son âge, Milon de Crotone se promène un jour dans une forêt d'Italie et trouve sur son chemin un arbre dont le tronc fendu reste légèrement entrouvert par quelques coins de bois fichés avec force dans la fente. Il décide de terminer le travail fait par un inconnu, c'est-à-dire de fendre complètement le tronc de l'arbre avec ses mains. Il enfonce ses doigts dans la fente, commence à écarter l'interstice, ce qui fait malheureusement tomber les coins de bois et le tronc de l'arbre se referme sur la main de Milon, dont la force, pour une fois, n'a pas suffi. La main est coincée dans le tronc d'arbre, comme enserrée dans un étau dont il est impossible de se libérer. On imagine l'intensité de la douleur provoquée par l'accident, mais le pire est encore à venir. La nuit tombe et fait sortir les loups de leur tanière. Rôdant dans la forêt à la recherche d'une proie, ils trouvent Milon de Crotone, qui n'est toujours pas parvenu à se libérer du piège. Les loups attaquent, et malgré sa force légendaire, l'ancien athlète ne peut se défendre. Il meurt dévoré vif comme un martyr dans une arène. On dit classiquement qu'un loup dont la patte est prisonnière d'un piège préfère se ronger les chairs jusqu'à l'amputation afin de recouvrer sa liberté. Milon de Crotone n'a pas eu le courage, ou peut-être simplement l'idée, ou même plus probablement l'instinct, de faire la même chose pour avoir la vie sauve. Vous venez d'entendre une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou.